Aujourd'hui, dans Affaire Sensible, l'affaire Papa, les petites sœurs du crime. Le soir du 2 février 1933, au Mans, Christine et Léa Papin, bonnes à tout faire, la vingtaine, massacrent avec une férocité inouïe leur patronne, Léonie Lancelin et sa fille Geneviève. Un crime sans exemple dans les annales médico-légales, dira le médecin légiste chargé d'examiner le corps des victimes, et nucléé à main nue. Depuis le geste des sœurs Papin, sa violence et son mystère n'ont cessé de hanter l'imaginaire collectif, symbole de l'oppression du prolétariat, d'une société archaïque, broyeuse d'orphelins, machine à fabriquer des assassins, écrira Simone de Beauvoir, par exemple. Dans la foulée, Paul Éluard, Jacques Lacan, Jean-Paul Sartre tremperont leurs plumes dans le sang du fait divers, entrés dans la mythologie contemporaine. Puis, en 1947, c'est Jean Genet qui, dans sa pièce Les Bonnes, réinvente l'affaire Papin, décortiquant jusqu'à la folie ce petit théâtre social et violent. Viendra ensuite le cinéma, Chabrol, Nico Papatakis, Jean-Pierre Denis. Comment ce fait divers a-t-il pu générer autant de formes imaginaires? Pourquoi une telle émotion, une telle pérennité? Eh bien, à notre tour de convoquer le fantôme des sœurs Papin. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, spécialiste de l'histoire de la violence et du crime, auteur notamment de « L'effroyable crime des sœurs Papin », édité chez Larousse en 2010. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 2 février 1933, Le Mans, préfecture de la Sarthe. La nuit tombe sur les beaux quartiers de cette ville de province, ni petite ni grande, ni sud ni nord. Les rues sont désertes. René Lancelin, la soixantaine, rentre chez lui, 6 rue Bruyère, derrière la promenade des Jacobins. Une belle demeure, pierre grise et volets blancs. Tiens, ils sont déjà fermés, s'étonne Monsieur Lancelin. Il est 19h, heure à laquelle il a promis de venir récupérer son épouse Léonie et leur fille Geneviève pour un dîner chez son beau-frère. Mais la porte cochère est fermée de l'intérieur, impossible d'entrer. Il tambourine, pas de réponse. Toute la maison est plongée dans le noir, seule une petite lueur, là, au dernier étage, filtre derrière les persiennes. La chambre des bonnes. Mais pourquoi diable ne viennent-elles pas lui ouvrir ? Monsieur Lancelin se hâte chez son beau-frère, Maître Ringard. Sa femme et sa fille doivent déjà l'y attendre, pense-t-il. Mais là non plus, personne. Alors l'inquiétude monte. René revient rue Bruyère, essaie en vain d'enfoncer la porte avant de prévenir la police. 20h. Le commissaire Dupuis dépêche deux de ses hommes, les agents Ragot et Vérité. Ça ne s'invente pas. Depuis l'immeuble voisin, ils parviennent à s'introduire à l'intérieur de la maison. L'électricité est coupée, le rez-de-chaussée désert. Restez dans le salon. Il me faut monter voir ce qui se passe au premier, prévient l'agent Vérité. À pas de loup, il gravit l'escalier qui mène au premier étage. Oh, il en a vu des horreurs dans sa carrière, mais là, franchement, ça dépasse tout. Non, ce qu'il découvre ne peut être comparé à rien. Dans le faisceau de sa lampe, un œil gît sur une marche. Oui, un œil. Sur le palier, baignant dans une flaque de sang, deux cadavres sont étendus tête bêche, méconnaissables. Leurs visages sont embouillis. Les orbites oculaires ne sont plus que des trous béants. Les jambes sont tailladées, les jupes relevées. Voilà l'état dans lequel on découvre ce soir-là ce qui reste de la femme et de la fille de René Lancelin, Léonie, 62 ans, Geneviève, 28 ans. À leur côté, un couteau de cuisine et un gros pot en étain cabossé. Ne montez pas, je vous en supplie, ne montez pas, crie l'agent qui, rejoint par son collègue, frappe aux portes des étages supérieurs. Une seule leur résiste, la chambre des bonnes. Pas un bruit. Le serrurier à l'œuvre, la porte s'ouvre. Les domestiques sont là, éclairés à la bougie. Christine Papin, 28 ans, cuisinière, et Léa Papin, 22 ans, femme de chambre, deux sœurs modèles au service de la famille Lancelin depuis 7 ans. Elles sont allongées dans le même lit, nues sous leur peignoir, blotties l'une contre l'autre, hirsutes, hagards, étrangement calmes. Sous la fenêtre, en boule, il y a leur blouse de coton mauve et un marteau maculé de sang. « Qu'avez-vous fait à vos maîtresses ?» demande l'agent. Christine répond « Elles ont voulu me frapper, je me suis vengé. Je vous attendais et nous vous suivons. Pas de ragot, juste la vérité. Simple, barbare, irréel. » Pour l'heure, les policiers n'obtiennent pas plus d'explications. Les sœurs Papin sont évidemment inculpées d'homicide volontaire et conduites immédiatement au commissariat central du Mans. Rue Bruyère, le procureur de la République et le médecin légiste arrivent sur place pour les formalités d'usage. Un jeune reporter les accompagne, Fernand Bocage, du journal La Sarthe, de permanence ce soir-là. Il prendra la première photo des sœurs Papin au moment de leur arrestation. Elle est publiée dès le lendemain, 3 février 33, vêtues de leur peignoir, le regard vide, les cheveux en bataille, sortie tout armée d'un chant de mal d'aurore, dira le poète Paul Éluard. Comme en miroir est imprimé sur un autre cliché des sœurs Papin, pris quelques années avant le drame, là elles sont endimanchées, les deux jeunes filles au visage encore rond posent sagement devant l'objectif. Elles travaillent déjà pour les Lancelin. Alors, que s'est-il passé entre le temps de cette photo et l'horreur de la rue Bruyère ? La question fera bientôt trembler la France entière, jusqu'à Jean-Paul Sartre lui-même, qui dans son ouvrage Le Mur, publié en 1939, se souvient de ces photos. J'ai vu les photos de ces deux belles filles, ces servantes qui tuèrent et saccagèrent leur maîtresse. J'ai vu leurs photos d'avant et d'après. Avant, leurs visages se balançaient comme des fleurs sages au-dessus de cols de piquet. Après, leurs faces resplendissaient comme des incendies. Elles avaient le cou nu des futurs décapités. Et ses yeux, ses grands yeux noirs et sans fond. Pourtant, elles ne se ressemblaient plus. Chacune portait à sa manière le souvenir de leur crime commun. Le double homicide de la rue Bruyère devient l'affaire Papa. Une soirée de lutte sanguinaire entre femmes, deux bonnes contre deux notables, la révolte des domestiques contre leur maître. Le fantasme est ancien, mais la méthode inédite. De mémoire de médecin légiste, le docteur Chartier n'avait jamais vu ça. Deux victimes énucléées à main nue, on ne trouve aucun exemple dans les annales du crime. Mais alors, quel mobile a-t-il pu engendrer une telle haine, une telle rage ? Il est 21h en ce 2 février 1933, soir du crime. Christine Papin est interrogée pour la première fois par le commissaire Dupuis. Dans une pièce à côté, Léa, sa cadette, est en proie à une crise de nerfs. La déposition de l'aînée commence par le récit d'une journée ordinaire au 6 rue Bruyère. Le déjeuner s'est déroulé comme de coutume, dans la salle à manger, Christine à la cuisine, Léa au service. Sur les coups de 14h, M. Lancelin, ancien avoué honoraire, l'équivalent aujourd'hui d'avocat, part à son cercle, réunion de notables friqués. Il rentrera vers 19h et récupérera Madame et Geneviève pour dîner chez son beau-frère. Vers 15h30, les patronnes quittent la maison à leur tour. En partant, Léonie Lancelin ne donne aucune consigne assez bonne. Depuis 7 ans que les sœurs Papin tiennent leur place, il n'est plus besoin de leur expliquer ce qu'elles ont à faire. Plus tard, dans l'après-midi, Christine décide de s'attaquer au repassage. Ça tombe bien, le fer en panne depuis ce matin vient d'être réparé. Mais à peine a-t-elle branché l'appareil qu'une étincelle est jaillie et fait sauter les plombs dans toute la maison. Les sœurs Papin s'éclairent désormais à la bougie. Et, puisqu'il est impossible de repasser, elles mettent le linge en ordre, que les inspecteurs d'ailleurs retrouveront. Il serait alors aux alentours de 18h, lorsque Madame et Mademoiselle Lancelin rentrent rue Bruyère. Christine poursuit. Quand Madame est rentrée, je lui ai rendu compte que le fer était à nouveau démoli et que je n'avais pu repasser. Quand je lui ai eu dit cela, elle a voulu se jeter sur moi. Nous étions à ce moment-là, ma sœur et moi, et mes deux maîtresses sur le palier du premier étage. Voyant que Madame Lancelin allait se jeter sur moi, je lui ai sauté à la figure. Je lui ai arraché les yeux avec mes doigts. Quand je dis que j'ai sauté sur Madame Lancelin, je me trompe. C'est sur Mademoiselle Lancelin. Et c'est à cette dernière que j'ai arraché les yeux. Pendant ce temps, ma sœur a sauté sur Madame Lancelin et lui a arraché les yeux. Maintenant, les deux sœurs crient en s'acharnant sur leur victime. Le pichet en étain passe des mains de l'une aux mains de l'autre. Il a réduit en bouillie le visage des patronnes. Le sang gicle sur les murs, les tableaux. Puis Léa descend chercher un couteau et un marteau dans la cuisine pour achever le carnage. Vingt minutes interminables. Et puis, brusquement, le silence. Quand nous avons fait le coup, je suis allée fermer au verrou la porte cochère. Et j'ai fermé également la porte du vestibule. Parce que j'aimais mieux que ce soit la police qui constate notre crime avant notre patron. J'aime mieux avoir eu la peau de nos patronnes plutôt qu'elle la nôtre. Je n'ai pas prémédité mon crime. Je n'avais pas de haine envers elle, mais je n'admets pas le geste qu'a eu ce soir Madame Lancelin à mon égard. Je n'ai aucun regret. Ensuite, Christine et Léa descendent à la cuisine se nettoyer du sang de leur victime. C'est à ce moment précis qu'elles entendent sonner. René Lancelin, sans doute, rentrait à l'heure dite. Elles montent sans bruit jusqu'à leur chambre, le marteau encore à la main, enlèvent leur blouse, ferment leur porte à clé, se pelotonnent sous la même couverture. Que se disent-elles? Mettent-elles au point un système de défense? Interrogée à son tour, Léa Papin dira exactement la même chose que sa sœur aînée. Elles sont responsables à part égale. L'une comme l'autre, elles ont frappé, mutilé, tué. Et Léa conclut, comme ma sœur, j'aime mieux avoir eu leur peau plutôt qu'elle la nôtre. Et je vous le répète, je n'ai aucun regret. À la prison des Vergalans, au Mans, les sœurs Papin passent leur première nuit de détenues assises côte à côte. On dit qu'elles n'ont pas dormi. Bien sûr, les complices auraient dû être séparés pour les empêcher de communiquer, d'accorder leur violon peut-être. En tout cas, ce sera la première négligence d'une longue série d'erreurs, d'approximations, voire de falsifications. Comme si les aveux des criminels dispensaient la police de lancer un minimum d'investigation. L'enquête semble si bien engagée, comme l'explique le chroniqueur judiciaire Gérard Gourmel dans le documentaire « Enquête des sœurs Papin » réalisé par Claude Ventura en 2000. C'est un dossier qui a été construit quand même sur des évidences. Il y avait deux meurtres, les deux auteurs du meurtre, dans une maison théoriquement fermée de l'intérieur, les armes du crime, les preuves, des aveux. Et donc, sur un terrain qui était on ne peut plus labourer pour des magistrats instructeurs et pour des enquêteurs, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de dérive de facilité à la fois des policiers et rassemblant des magistrats instructeurs. La seule chose qui manquait, c'était le mobile, et puis aussi parce que c'était une sorte de chambre close, il n'y a pas de témoin. 9 février 1933, une semaine après le meurtre de Madame Lancelin et de sa fille, le journal Détective publie en une la photo de Christine et Léa Papin, prise avant le drame, chez le photographe du coin avec leur col de piqué blanc et leur air de sœur siamoise. En titre, les brebis égarées du bon pasteur. Dans le corps de l'article, l'hebdomadaire déroule la courte vie des domestiques à la recherche, peut-être, d'un indice. Les sœurs Papin, en réalité, sont trois. L'aînée s'appelle Emilia, née en 1901 du mariage de Gustave Papin et de Clémence Déret. Christine suivra en 1905, puis, 6 ans plus tard, Léa, la petite dernière. Les filles sont confiées à droite et à gauche, personne n'a vraiment envie de s'en occuper. Mère volage, père alcoolique, déjà pour les filles, c'était mal parti. Puis c'est le divorce en 1913. Les deux plus grands ont alors 12 et 8 ans, expédiés dardard à l'orphelinat du bon pasteur, tenu par les religieuses. Emilia, l'aînée, prend le voile à 16 ans, une façon de mourir avant l'âge. Christine devient bonne à tout faire chez les bourgeois de la Sarthe, bientôt suivie par sa cadette Léa, âgée seulement 13 ans. Déterminisme social, l'un mène au renoncement de la vie, les deux autres enlèveront la vie. Laver, cuisiner, balayer, repasser, repriser, faire les courses, veiller à la toilette de madame, les deux jeunes sœurs se plient aux instructions et apprennent à s'effacer derrière la volonté de leurs employeurs. Tous les décriront comme de vraies perles, appliquées, discrètes, obéissantes, des esclaves comme on les aime. À quoi ressemble vraiment leur quotidien? On l'imagine peu ou prou semblable à celui de Geneviève Guyot, bonne, elle aussi, dans l'entre-deux-guerres et interviewée sur France Culture en 1997. Servir, oh, j'ai servi, mon Dieu, à la sonnette. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Pendant 2 ans et demi. On vous appelait avec une sonnette? Avec une sonnette. C'était alors où? J'allais servir chez de la rue Bénard à Amiens. Elle sonnait, hop, j'allais servir et puis bon, bah. Quand je revenais avec les assiettes vides, il n'y avait plus rien dedans. Je n'avais pas à manger. Elle a été très sévère, lui non. Lui non, il n'avait pas la parole, le monsieur. C'est elle qui était comme ça, à être exigeante. Bon, la sonnette passe encore, pourvu qu'elle soit deux. En effet, Christine et Léa font tout pour être engagées ensemble, dans les mêmes maisons. Leur mère, cette grande absente, ne se manifeste que pour récupérer leur gage, alors Christine prend le relais auprès de sa petite sœur, assumant un rôle maternel qu'elle prend très au sérieux. Impossible de les séparer, ces deux-là. Entre les deux sœurs, c'est une relation exclusive, passionnelle. Et c'est donc ensemble qu'en avril 1926, Christine et Léa entrent au service de la famille Lancelin. Madame est un peu tatillonne, vérifie scrupuleusement toutes les tâches, jusqu'à la poussière sur les plaintes. Mais bon, les deux employés de maison, comme on dit aujourd'hui, sont plutôt bien traités. Nourris, blanchis, salaire mensuel de 300 francs, le haut du panier à l'époque. Bref, une bonne famille, c'est Lancelin, résume le philosophe Bertrand Ogilvie sur France Culture en 2018 dans l'émission Une histoire particulière. C'est une famille correcte, oui. Une famille où les choses se passent selon les règles de la morale traditionnelle et où, effectivement, elles sont traitées, je dirais, avec une distance, avec une espèce de froideur et de distance, de respect, qu'on doit à des domestiques, pas plus, mais ni moins. Les rapports sont si codifiés que Mademoiselle Lancelin ne peut pas parler aux domestiques. Seule Madame Lancelin est autorisée à parler aux domestiques. Tout est très réglé. Oui. Mais ça, c'est propre à cette famille-là. Dans d'autres familles, il y avait d'autres types de codes, d'autres types de règles. Ça, c'est la psychopathologie de la famille Lancelin qu'il faudrait faire. C'est encore une autre affaire. On n'a pas beaucoup de documents sur eux, mais ils avaient l'air assez gratinés, si je puis dire cela aussi. Pendant 7 ans, Christine et Léa Papin donneront entière satisfaction à la famille Lancelin. Aucun vice, aucune aventure amoureuse, rien. Le désert. Des perles, quoi. Au cours de l'instruction, d'ailleurs, seuls 3 incidents sont mentionnés. Le premier a lieu en 1928, 2 ans après l'embauche des deux bonnes. Alors que Léa termine le ménage au salon, Madame aperçoit un bout de papier sur le tapis. D'un geste vif, elle pince l'épaule de la domestique qui doit poser genou à terre. Mais est-elle autre chose qu'une esclave qu'on paye, cette jeune fille? Non, bien sûr. Madame a de l'argent, mademoiselle n'en a pas. Son seul droit est donc de se taire et d'obtempérer. À ceci près que Spartacus peut se cacher dans l'atmosphère feutrée d'une maison bourgeoise de province. La remontrance de Madame Lancelin paraît si inacceptable pour les sœurs que dans le secret, elles promettent de se défendre la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Mais le comportement de Christine et de Léa va notablement se transformer à l'automne 29, date de la rupture avec leur mère. Une question d'argent, pensent les Lancelin, qui d'ailleurs ne se posent pas trop de questions. Les bonnes deviennent tout de même sombres, taciturnes, plus facilement irritables. Le dimanche, jour de repos, elles restent cloîtrées dans leur chambre. Le dernier incident date de la fin août 31, 1 an et demi avant le drame. Les deux sœurs Papin se rendent dans le bureau du maire du Mans. Comme d'habitude, c'est Christine qui parle. Léa se contente d'acquiescer. La grande sœur déclare, dans un langage incohérent, qu'elles sont persécutées par la famille Lancelin et par vous-même, monsieur le maire. Tiens donc, de lui essayer de les calmer. En vain. Vous voyez bien qu'elles sont piquées, leur assure son secrétaire. Une enquête est tout de même diligentée dans le quartier de la rue Bruyère, qui ne donne absolument rien. Mise au courant, la famille Lancelin décide de fermer les yeux. Leurs bonnes sont un peu bizarres, bon, bah voilà tout. Christine et Léa Papin gardent effectivement leur place de domestique jusqu'à ce terrifiant jeudi 2 février 1933. Un peu piquées, les sœurs Papin. C'est ce que les enquêteurs vont essayer de déterminer, autrement dit leur responsabilité pénale au moment du crime. Leur démence, peut-être. L'instruction va durer 8 mois et presque autant de contradictions, car à quelques semaines de leur procès, les bonnes changent complètement de version. Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre, le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne, qui ressonne, qui résonne, qui ordonne. Pas une minute de répit, il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Pour aller l'habiller, deux pour le petit déjeuner, c'est parti pour toute la journée. Pour les affaires à repasser, pour les chaussettes de monsieur, pour les chapeaux ou les cheveux. Pour finir un sourire pincé en guise de vague, merci madame, pense que ça suffit. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. J'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée, en un mot parfaite, maudite clochette. Madame s'arrange bien souvent pour sucrer mon jour de congé, oublie de me le redonner. Quand je fais une course au marché, elle recompte la monnaie, avant, après, on ne sait jamais. Et s'il manque une petite cuillère, on ne dit rien et l'on s'étonne, mais c'est la bonne qu'on soupçonne. Elle a la fâcheuse manie de contrôler mes faits et gestes, qu'elle veut savoir tout est le reste. Cette garce surveille mes lectures, épluche mon maigre courrier, fouille ma chambre et mon passé. Mais je ne dis rien, je serre les dents, l'âme humiliée, je ne suis personne qu'une domestique que l'on sonne. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. J'entends sonner, je suis toujours prête, pauvre marionnette, tellement dévouée, patiente et honnête, maudite clochette. Mais je sais bien qu'une nuit viendra, nuit de colère, nuit de cendre, ding ding, il me faudra descendre. Madame a tellement peur de l'orange, et comme monsieur est parti, faut que je lui tienne compagnie. Que je redresse ses oreillers, que je lui porte un verre de lait, et plus vite que ça, s'il vous plaît. Parler comme ça, pauvre madame, seule dans ton lit, si vulnérable à ma folie. Tu viens de sonner une fois de trop, il faut que cesse cette torture à coups de ciseaux de couture. Et je vois dans ton regard perdu qu'il n'y a que ça que tu comprennes, ton sang qui coule sur ma haine. Maudite clochette et maudit métier, sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner. Jamais muette. Ça va, on vient, on arrive. Maudite clochette. Affaire sensible, Fabrice Drouel. J'ai demandé à vous voir pour rectifier mes explications. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Quand j'ai attaqué Madame Lancelin, celle-ci ne m'avait pas provoqué. Je lui ai demandé, quand je l'ai trouvée sur le palier, si elle voulait réparer mon fer électrique. Je ne sais pas ce qu'elle m'a répondu, mais j'ai été prise d'une crise nerveuse et je ne me rappelle pas bien d'ailleurs comment tout s'est passé après le crime. Nous avions convenu, ma sœur et moi, de partager également les responsabilités. Mais je viens d'avoir une crise pareille à celle que j'ai eue quand j'ai frappé Madame Lancelin. Et j'ai eu une sorte de rappel de mémoire, où des détails me sont revenus. Le 12 juillet 1933, 5 mois après le massacre de la rue Bruyère, Christine Papin demande à voir les enquêteurs pour rectifier sa version des faits. Elle déclare que Madame Lancelin et sa fille Geneviève n'ont pas levé la main sur elle avant de subir ses foudres et celles de sa sœur. Mais vu son état nerveux, elle ne pourra pas signer sa nouvelle déclaration, contrainte par une camisole de force afin de l'empêcher de se crever les yeux elle-même. Que penser d'avoir reçu dans de telles conditions ? Sa sœur, Léa, est entendue à son tour. Elle aussi modifie son témoignage et précise sa participation. Au retour de leur patronne, Christine serait descendue la première. Quand elle l'a rejointe, au premier étage, Madame Lancelin était déjà à terre et Christine massacrait déjà Geneviève. Léa ajoute qu'elle s'est précipitée sur Madame Lancelin au moment où cette dernière tentait de se relever. « Arrache-lui les yeux !» lui aurait alors crié Christine. La petite sœur, soumise, toujours, s'est exécutée. L'explication s'arrête là, voilà. Pas de mobile, seulement une indicible cruauté qui reste, jusqu'à aujourd'hui encore, insondable. Christine disculpe ainsi sa cadette, qui, elle, ne parle que d'imitation des gestes de sa sœur. À quelques semaines du procès, ce détail dans l'horreur a son importance. En attendant, Christine aura de nouvelles crises de démence, seule dans sa cellule, séparée de sa sœur adorée, en proie à tous les délires. Grève de la faim, hurlements obscènes, exhibitionnisme, tentatives de suicide se succèdent. Les experts psychiatres, mandatés par le juge d'instruction, étayent de leur côté leur rapport. Tandis que la question est sur toutes les lèvres, les sœurs Papin seront-elles jugées responsables de leurs actes ou plaidera-t-on l'article 64 du Code pénal, autrement dit la démence au moment du crime, et donc, en l'occurrence, l'irresponsabilité. Vendredi 29 septembre, après 8 mois d'enquête, le procès Papin s'ouvre aux assises de la Sarthe. À l'intérieur, des privilégiés s'entassent et attendent fiévreusement l'arrivée des criminels. Des hyènes hurlantes, pense-t-on, aux yeux de braise et aux crocs sanglants. Non, déception. S'avancent 2 jeunes filles aux cheveux sagement tirés, le teint fade, le visage sec, fermé. Dehors, la foule gronde, compacte, vengeresse. Le bon peuple a soif de justice qu'il n'a jamais cessé de confondre avec vengeance. Tel est le charme meurtrier des jurys populaires, si prompt à convoquer la guillotine jusqu'à ce qu'un gouvernement, enfin, lui enlève ce pouvoir en 1981. Nous n'en sommes pas là, nous sommes en 1933. Premier compte-rendu du petit journal en ce premier jour de procès. Il est sans doute sans précédent que la curiosité déclenchée dans une ville par le grand procès ait induit le maire à prendre un arrêté spécial pour essayer d'endiguer, d'avance, le flot populaire. On attend pour demain l'arrêté du docteur Truel et de son confrère le docteur Baruch. Tous viennent étayer la thèse de l'expert Schutzenberger, le médecin de l'asile départemental, la pleine responsabilité des 2 monstres. Pour le procureur Rigert, pas de pathologie dans cette affaire. De la psychologie simplement. Ce sont des chiennes hargneuses qui mordent la main quand on ne les caresse plus. À aucun moment de l'audience, Christine ne lèvera les yeux. Seul un rictus à l'énoncé de certains faits animera son visage. Selon certains commentateurs, sa sœur a l'air plus apeurée ou... le regard vide, enfin c'est selon. Conformément à la procédure, le président du tribunal égrène les étapes de l'enfance des 2 sœurs, leur milieu familial, leur parcours de domestique. Les circonstances du crime sont exposées en détail. Alors, un frisson parcourt l'assistance. Le rapport d'autopsie accentue la cruauté des faits. Pourquoi une telle sauvagerie ? Chez ces 2 jeunes filles, comment savoir, comment mesurer, avec quel instrument? 3 experts psychiatriques, présidés par le docteur Schutzenberger, armés de leur savoir et de leur diplôme conclu, au point de vue héréditaire, physique, pathologique, nous n'avons trouvé chez ces 2 femmes aucune trace susceptible de diminuer leur responsabilité pénale. Elles sont normales et pleinement responsables. Le procureur, lui, avance un semblant d'explication. C'est un crime de colère, dit-il, et non un crime de fou. En somme, les 2 sœurs ont été soudains, comme on le dit dans le langage courant, folles de rage. Les crises de Christine en prison ne sont, elles, que simulations. Circulez. Est-ce que cela peut être plus long ? Le docteur Logre, éminent psychiatre appelé par l'avocat de Christine, semble le penser. À la cour, il avance l'idée que l'aîné pose, je cite, un diagnostic d'anomalie mentale engendrée par une hystéroépilepsie avec perversion sexuelle et idée de la persécution, avant de conclure qu'il s'agit peut-être d'une forme d'homosexualité incestueuse. Un langage abscon qui ne convainc pas le jury, entièrement constitué d'hommes, soulignons-le. Enfin, toujours selon la procédure, la parole revient aux accusés. Mais Christine et Léa Papin restent muettes. Le président de la cour déclare alors les débats clos, les jurés se retirent avec la liste des questions. Il est minuit 15, en ce 30 septembre 1933. Après 13 heures d'audience, les délibérations peuvent commencer. Dehors, une cinquantaine de journalistes du monde entier attend avec impatience d'écrire l'épilogue de ce qui va devenir l'un des faits divers les plus retentissants du siècle dernier. Voilà 8 mois qu'ils noircissent leurs journaux de la sanglante affaire Papin, devenue peu à peu une histoire politique. La presse de gauche y voit en effet le symptôme d'un mal bien plus profond, la lutte des classes, ou comment l'humiliation des opprimés enfante lentement la haine. Explication de l'historien Frédéric Chauveau, au micro de France Culture. Chacun se l'approprie parce que chacun peut donner sa propre lecture. Et le journaliste, le détective qui est diligenté sur place, voit dans ce crime finalement le résultat de l'exploitation capitaliste. Il utilise même une expression dans le premier article qui a été publié en disant « Eh bien, ce sont deux garces qui ont été assassinés ». Voilà, l'expression donc évidemment donc est un petit peu outrancière, mais ça laisse porter la responsabilité du geste effroyable, non pas sur les bonnes, mais sur les patronnes qui n'ont pas forcément brutalisé leur domaine, mais qui ont été arrogantes et qui les ont humiliées. Et à l'époque, les imaginaires sociaux sont ceux effectivement de la lutte de classe. Il y a forcément donc affrontement entre deux catégories, les milieux populaires et puis les élites. Mais à quelques minutes du verdict, peu de journalistes s'interrogent sur le grand absent de cette affaire, René Lancelin, époux et père des victimes et mari. D'ailleurs, qui est-il cet homme ? Pendant 20 ans, il exerce comme avoué honoraire dans un cabinet du Mans, il a beaucoup d'amis et il a le bras long. Il devient par la suite homme d'affaires industrieux. En 1931, 2 ans avant le drame, un important scandale éclate au Mans. L'affaire dite des mutuelles. Un certain nombre de notables locaux sont suspectés d'avoir manipulé de l'argent sans précaution et de s'être enrichis aux dépens des petits porteurs. 700 plaignants, 25 millions de dommages et intérêts réclamés, et parmi les accusés, René Lancelin. On peut alors imaginer l'ambiance particulière qui devait régner aux 6 rue Bruyère. Le Mans est une petite ville de province où tout le monde se connaît, se côtoie, s'épie. Monsieur Lancelin serait-il un escroc ? Les sœurs Papin auraient-elles alimenté la rumeur provoquant la colère de leur maître puis leur propre vengeance ? Pour certains experts du dossier, la question mériterait d'être posée, comme toutes celles d'ailleurs qui furent occultées pendant l'enquête. Pour le chroniqueur judiciaire Gérard Gourmel, pas de doute, René Lancelin possédait de précieux soutiens. Ça a dû peser ensuite, ça. Qu'on n'ait pas interrogé ce soir-là René Lancelin, qu'on n'ait pas interrogé... Au-delà, le beau-frère Ringard, le gendre Renard. Effectivement, il s'agissait d'officiers ministériels, d'anciens officiers ministériels, d'un avocat futur bâtonnier. On a pris des gants. Retour aux Assises du Mans, samedi 30 septembre 1933, minuit 55. Après seulement 40 minutes de délibération, les jurys prononcent leur sentence, la mort pour Christine, 10 ans de travaux forcés, 20 ans d'interdiction de séjour dans la ville du Mans pour Léa. Ça leur apprendra à tuer leur maître. La cadette bénéficie ainsi, et tout de même, de circonstances atténuantes, puisque sur la scène du crime, elle est arrivée, selon ses aveux, après que sa sœur a tué la mère et la fille. Au prononcé de la phrase « Tout condamné à mort aura la tête tranchée », Christine Papin tombe à genoux. Et le journal radical, l'œuvre, commente « On ne devrait pas rendre la justice dans la fièvre des après-dîners et des digestions difficiles. Mais il fallait punir, exorciser l'insupportable, condamner le crime social et exclure le mystère de la folie. » Christine ne sera pas exécutée, graciée comme presque toutes les femmes de la Troisième République. Peu de temps après, elle est internée à l'hôpital psychiatrique de Rennes où elle implore qu'on la laisse mourir. Trois ans plus tard, le 18 mai 37, son vœu est exaucé. Elle meurt de cachexie vésanique, autrement dit par refus de s'alimenter. Six ans plus tard, en février 1943, après qu'elle a purgé l'intégralité de sa peine, Léa Papin sort de prison. Elle a 31 ans. Seule au monde, exilée à Nantes, contrainte de retourner dans les jupes de sa mère, Haï. Puis, peu à peu, on perd sa trace. Dans les années 60, un journaliste de France Soir et l'écrivaine Paulette Oudia déclarent avoir retrouvé Léa. Oui, mais une Léa grise, usée, bonne dans un hôtel, triste à mourir. Elle serait morte dans les années 90, dans l'anonymat, emportant ses secrets, son inexistence sociale, décidée dès sa naissance. Et personne, pourtant, ne s'accorde sur le lieu et la date du décès. Léa n'existe pas. En 2000, le réalisateur Claude Ventura, dans son documentaire Enquête des sœurs Papin, ramène à la surface de nombreuses questions, ombres et révélations. Le dossier du procès, vieux document bouffé par l'humilité, est en réalité truffé d'erreurs, d'omissions, de dates mystérieusement grattées. Alors le doute s'immisce, et si Léa Papin était encore vivante? L'enquête documentaire se transforme peu à peu en une recherche pour personnes disparues, jusqu'à la prouesse. Léa Papin, 80 ans, est retrouvée à Nantes, hospitalisée depuis 2 ans, sourde et muette. Elle décédera quelques mois plus tard, le 24 juillet 2001, laissant place à un silencieux mystère en éternelle fidélité à sa grande sœur. La folie est un secret qui ne se partage pas. Il faut aller au bout de l'histoire. Il faut encore pousser la porte de la chambre. Léa. Léa qui ne peut plus parler. Léa qui ne pourra plus jamais parler. Léa. La seule qui sait. Et moi, je repense à ce qu'elle avait répondu là-bas au Mans, il y a si longtemps, au juge d'instruction qui l'interrogeait, quand elle avait dit « Maintenant, je suis sourde et muette. » Je peux me saouler au vin de l'assassin. J'ai tué ma bien-aimée, implanté de couteau n'aurait pas suffi. Il m'a fallu voir grand pour lui ôter la vie. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas, mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas. Je ne regrette pas mon acte, je regrette mon état. Je pensais m'en remettre, mais en fait je ne peux pas. Un meurtre sur la conscience, ça ne s'oublie pas comme ça. Alors je tourne en rond. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les sœurs Papin et leurs victimes. Notre invité est Frédéric Chauveau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers, spécialiste de l'histoire de la violence, auteur notamment de l'effroyable crime des sœurs Papin, livre édité chez Larousse en 2010. Alors c'est l'une des affaires criminelles les plus retentissantes du siècle dernier. On l'a dit. Pourquoi, selon vous ? C'est une affaire retentissante d'abord à cause du geste criminel. Le fait d'avoir énucléé deux femmes, c'est absolument donc extraordinaire. Et le médecin légiste, lorsqu'il est diligenté, il a relativement peur parce que il va comprendre très rapidement que c'est une affaire nationale, qu'il va y avoir une très forte pression sur lui. Il faut pas qu'il commette d'erreur. Mmh. Et donc c'est lui qui va parcourir toute la littérature médico-légale. Et il a trouvé simplement donc un précédent, c'est dans un asile d'aliénés, quelqu'un qui s'est donc lui-même autonucléé. Mais il a pas trouvé donc d'affaire similaire. Donc rien que ça, c'est évidemment extraordinaire. Et puis l'autre élément, c'est le traitement du corps des deux victimes qui ont été tailladées. Alors quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont été accompagnés de photographes et ces journalistes reporters ont pris des photos. Mais déjà, il y a une mise en scène des cadavres parce que la mère, Madame Lancelin, Léonie Lancelin, était couchée sur le ventre et puis était couchée sur le dos, pardon. Mmh. Et c'est la fille Geneviève qui était donc à l'inverse couché sur le ventre. Et les pantalons étaient baissés, les jupes étaient relevées et les fesses de la fille ont été tailladées donc à l'arme blanche. Et donc ça donne évidemment une dimension absolument épouvantable. C'est évidemment donc la possession du corps est épouvantable. Et puis il y a un autre élément qui vient s'ajouter, c'est le sort réservé au visage. Et là, personne s'est vraiment interrogé, ni pendant l'instruction, ni pendant le procès, pourquoi, évidemment, fracasser, saccager comme ça donc le visage. Alors, on sait que les ethnologues, à cette époque-là, disent que si, évidemment, on saccage le visage... C'est l'identité qu'on efface. Et puis, du coup, ça efface aussi le sentiment de culpabilité. Bien sûr. Vous, vous êtes historien. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à... Au-delà de ces raisons-là, hein, vous passionnez pour cette histoire-là. Ou ce sont peut-être que ces raisons-là, d'ailleurs. Mais... Oui, non, mais ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je m'intéressais et je continue à m'intéresser plutôt aux crimes commis par des femmes. Et donc là, évidemment, on est dans le domaine de l'extraordinaire. Et au cours de ces années-là, il y a deux grandes figures féminines, si je peux dire. La figure double des sœurs Papin en 33 et puis Violette Nozière. Violette Nozière. Voilà. Ça commence en 33. D'ailleurs, mais... le hasard, pardon, vous coupez, oui. Mais petite référence au cinéma, c'est à la fois Isabelle Huppert qui interprète Violette Nozière et Christine Papin dans l'autre film. Voilà. Tout à fait. Alors, par que pour Violette Nozière, bon, l'affaire s'étire un petit peu en longueur, le procès donc a lieu donc en 1934, mais au cours des années de l'entre-deux-guerres, voilà, les crimes, si je peux dire, les plus affreux, si on laisse de côté donc l'affaire Landru, le jugement a lieu à Versailles en 1921, et au niveau de l'imaginaire collectif, il n'y a pas, si je peux dire, une affaire qui a un tel retentissement. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est tout à fait passionnant, et l'intérêt, c'est que c'est aussi une énigme, puisque le ressort du geste n'est pas expliqué. Le fameux mobile. Et c'est encore plus troublant quand on voit la violence des faits. Donc on n'a jamais vraiment su. Soyons clairs, on n'a jamais vraiment su. On n'a jamais su. Disons que le seul qui propose finalement une explication, oui, c'est le docteur Logre. C'est l'expert judiciaire qui est appelé par la défense. Oui, qu'on a cité dans le récit. Voilà. Alors certains journalistes se sont un petit peu moqués de lui en disant le docteur Logre prend la parole alors qu'il n'a dévoré personne. Bon, humour de l'époque de l'entre-deux-guerres un petit peu facile, mais c'est lui finalement qui propose peut-être l'explication la plus convaincante du crime à deux. En disant, et ça suscite un moment de stupeur parmi l'auditoire, en disant moi je connais donc le coupable, je vais vous le désigner, et bien finalement c'est l'association des deux sœurs, c'est l'effet d'entraînement. Et puis un petit peu plus tard, à la fin de l'année, lorsque Lacan va écrire aussi sur l'affaire des sœurs Papin, il reprendra l'intuition du docteur Logre, qu'il va donc souligner, et ça reste un petit peu, si je peux dire, l'explication dans l'univers des psychanalystes. Frédéric Chauveau, je vous propose d'écouter une archive extraite du documentaire réalisé par Claude Ventura, intitulé « Enquête des sœurs Papin », dont nous avons parlé dans le récit. L'autrice du film, Pascal Thirode, plonge dans le dossier. Écoutez. Les pièces du dossier, encore une fois. Incohérences, enquête bâclée, des scellés qui n'ont pas été apposés sur la maison, la perquisition dans la chambre des filles qui n'a eu lieu que le lendemain, Lancelin dont on ne vérifie pas l'emploi du temps l'après-midi du crime, l'une des armes du crime retrouvée 9 jours après sous une pile de journaux par le gendre de Lancelin, pas de certificat de virginité des filles, et ce mystère du fer à repasser. Le fer à repasser qui avait tout déclenché. Le fer à repasser qui, selon le témoignage de Christine, ne fonctionnait pas et avait fait sauter les plombs. mais qui, 2 jours plus tard, se révélera fonctionner parfaitement. Les plombs n'avaient même pas fondu. Personne n'a cherché plus loin. Frédéric Chauveau, personne n'a cherché plus loin. Est-ce que l'enquête a été bâclée? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Et c'est oui lesquelles, puisque vous êtes en train de rédiger un nouvel article sur les zones d'ombre de l'affaire Papa. Bah, disons que la première zone d'ombre, en tout cas l'élément qui ne convainc pas, c'est le rapport d'expertise psychiatrique. Mmh. Voilà, donc il fait à peu près donc 60 pages. Voilà, il en existe 2 versions. Une version dans le dossier officiel et puis une autre version dans le dossier, si je peux dire, officieux. Le greffier Boutier, qui a été tellement impressionné par cette affaire-là, c'est un petit peu donc l'histoire, si je peux dire, de sa vie, qu'il a décidé de faire un dossier parallèle. Et d'ailleurs, il a soustrait les photos de la scène de crime qui s'est accaparée, et il a entouré les photos à ce moment-là de la scène de crime, des translations en voiture, des portraits des sœurs Papin, de petits rubans de couleur, voilà, pour en quelque sorte adoucir un petit peu donc l'effet. Alors lui-même, il faut le comprendre, il venait d'avoir été sollicité dans une autre affaire, un double crime, voilà, et puis de nouveau maintenant il est plongé dans l'atmosphère des sœurs Papin. Voilà, alors simplement le dossier psychiatrique, il y a trois experts psychiatriques qui ont été désignés, et en fait il y en a un seul qui a véritablement fait le travail d'expertise, d'observation, et puis les 2 autres qui ont été nommés le 3 avril, donc assez tôt quand même par rapport au déroulé de l'affaire, se sont contentés finalement de signer le rapport de leurs collègues. Donc là, évidemment, c'est ce qu'ont demandé les avocats de la défense, à la fois Pierre Chotan et puis Germaine Brière pour l'avocate de Léa et de Christine. Ils ont demandé en disant, leur exigence était de dire, on arrête là, on va suspendre un petit peu et on va recommencer donc de manière sérieuse l'expertise psychiatrique. Alors premier problème, donc l'expertise psychiatrique, est-ce qu'il y a eu des manquements après du côté de l'enquête, c'est-à-dire du côté de la police? Et de la justice. Du côté de la police, oui, parce que dès cette époque-là existe la criminalistique, hein, la police technique et scientifique, qui est née donc à la fin du 19e siècle. Après la Première Guerre mondiale, c'est déjà rentré dans les mœurs avec laboratoire de police scientifique. Et finalement, les enquêteurs sur place se sont dit que bon, qu'il n'y avait rien à trouver. Voilà, ils avaient mis la main sur les responsables, donc sur les coupables, et donc voilà, on en reste là. C'est ça, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de mystère, il y a besoin de filles qui tuent. Alors la question qu'on aurait dû se poser bien plus, et que vous êtes posé, vous, j'imagine, dans votre travail de recherche, c'est pourquoi elle tue? Alors, là, ce qu'on comprend dans le récit, c'est qu'elles sont maltraitées, que c'est une vengeance qui apparemment est plus sociale que personnelle, mais peut-être que je me trompe aussi. Dites-moi, qu'est-ce qu'on dit sur le motif? Sur le plan financier, elles sont pas maltraitées. Oui, c'est ce qu'on dit en plus, 300 francs par mois, c'est plutôt bien. Et puis, à l'époque. Temps avant, il y a un changement de la législation, où c'est M. Lancelin qui leur propose de prendre à son compte les assurances maladie. Donc finalement, par rapport au sort des bonnes ou des domestiques, là évidemment, elles sont plutôt privilégiées, hein, dans la France de ces années 30. Par contre, l'enquête laisse totalement de côté la personnalité de la principale victime, de Madame Lancelin. Ah, voilà, parlons-en des Lancelin, voilà. Donc, ça donne peut-être quelques éclairages. Les Lancelin, alors, qui sont-ils? Comme une atmosphère. Alors lui, il est ancien avoué, ancien député. Un bourgeois notable. En même temps, donc là vous l'avez rappelé, il a été l'objet donc de poursuites judiciaires entre 31 et 33, et puis en 33 le procès se termine par un non-lieu, mais on imagine sans difficulté l'atmosphère des repas à table. Donc ça, forcément, donc ça a dû peser. Et puis à partir de là, vous avez donc plein d'éléments qui n'ont pas été véritablement vérifiés. La fille aînée des sœurs Papin. Christine, donc. Emilia, la troisième. Ah oui, elles sont 3. Pardon. Voilà, elles sont 3. Absolument. Voilà. Quand on lit attentivement donc les dossiers, la cause peut-être du divorce des parents, alors c'est une suggestion, il n'y a pas de certitude, mais elle n'a pas été convoquée. Et on imagine très bien qu'il y a eu en fait des attouchements sexuels, éventuellement une affaire d'inceste, concernant donc le père des sœurs Papin, donc avec la sœur aînée. Donc là, dans leur trajectoire individuelle ou personnelle, c'est quelque chose qu'il aurait fallu creuser. Ça aurait été important d'avoir un certain nombre d'éléments. Donc, quelque soit les fils que l'on peut tirer d'un petit peu dans toutes les directions, voilà, le rapport d'abord est pas véritablement volumineux, et puis il y a toute une série d'éléments qui peuvent ressembler donc à un gruyère sans faire de publicité. Mais alors, la dimension du crime social, éventuelle. Celle-là, elle est intéressante. Est-ce que les sœurs papa, déjà, vous dites qu'elles sont plutôt bien traitées, mais elles disent à un moment, il y a même une phrase clé, si on traduit en langage simple, il fallait qu'on leur fasse la peau avant que ça soit eux qui nous fassent la nôtre. Quelque part, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont peur de quelque chose? Ben, ou c'est, elle dit ça, c'est un argument, bon. Non, c'est un argument qu'elle dit dans l'instant, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Mmh. C'est au début, dès février 33, c'est le journal L'Humanité, le journal Détective, qui est à ce moment-là le premier périodique de faits divers, qui retiennent la thèse un petit peu de la défense sociale et de l'oppression sociale. Maintenant, quand on lit le dossier de manière donc un petit peu détachée, il n'y a pas d'élément donc particulier ou concret qui permette de l'attester ou de l'affirmer. Même la scène du papier qui a été jeté. Oui. Il en existe plusieurs versions. Alors, dans une autre, c'est à genoux, humiliation pour le ramasser dans la corbeille. Et puis, une autre version, donc, souligne, tout simplement que un morceau de papier serait tombé, donc, dans l'escalier, que, évidemment, ça faisait un petit peu désordre et qu'il aurait fallu ramasser. Donc, là, par contre, sur un autre aspect qui peut être tout à fait pertinent, c'est la question de l'énucléation. Parce que sur le moment, certaines personnes ont voulu en quelque sorte défendre un petit peu les sœurs papins. Alors plutôt essayer de comprendre, hein, c'est pas excuser bien sûr le geste, mais en disant que Christine, qui était employée comme cuisinière, avait l'habitude d'énucléer les lapins. Et finalement, quand elle s'est sentie lapins, menacée, oui. Elle a reproduit le geste qu'elle faisait donc dans la cuisine. Enfin, elle, où est le discernement psychiatrique pour le coup? On confond pas un lapin. Pardon, mais un être humain. Donc. Non, bien évident. Mais il n'empêche que le geste, il y a une familiarité avec le geste. J'entends bien ce que vous dites. Et donc, comme Christine n'avait pas l'habitude, au cours de ces années, de se trouver dans une position donc défensive et d'être agressée, ça peut être une possibilité. À ce moment-là, elle s'est raccrochée à des gestes peut-être usuels. Alors, il y a un journaliste, le détective, qui suit le procès et qui hasarde aussi cette hypothèse. Mmh. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'en dit Lacan? Quand même, j'attaquant. Hein. Non, mais je crois qu'il a... Pour l'instant, c'est l'explication, la grille de lecture la plus crédible. Et en 1933, son article est lumineux. C'est-à-dire que là, il est écrit, pardonnez-moi, sans jargon, on le suit pas à pas, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la thèse de Crime à deux, c'est ça? C'est le Crime à deux. D'accord. Depuis le temps que vous travaillez sur cette affaire, quelle est, si je puis dire, et si vous en avez une, votre intime conviction, vous, sur... Sur le motif du crime, pourquoi elles font ça? Moi, je pense que c'est un motif qui est dérisoire. Il y a effectivement dans la psychologie des deux sœurs depuis les années 29 et puis une accélération depuis les années 1931, une sorte de rétrécissement de leur univers culturel familial. Il y a une confusion donc de des rôles et donc effectivement on peut voilà de manière, si je peux dire plausible, dire que c'est un crime de folie. Toute dernière chose, que pensez-vous du film de Chabrol sur cette histoire, qui s'appelle La Cérémonie, avec Isabelle Huppert, je le disais, et Sandrine Bonner? Alors, moi j'ai trouvé que c'était un film tout à fait donc intéressant et passionnant, mais il y a aussi dans les reportages qui ont été faits après, une explication qui est plus difficile, c'est le fait que ce serait aussi un crime d'inceste, parce que les deux sœurs auraient été surprises en plein débat amoureux. D'accord. Et ça, quand on lit effectivement les différents documents, c'est une interprétation qui a du mal à tenir la route. Bon, bah regardez quand même La Cérémonie, parce qu'il y a quand même tout le talent de Chabrol. Merci Frédéric Chauveau. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Sœurs Papin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr bien sûr. À la technique aujourd'hui, et je l'en remercie, il y avait Ludovic Asselot.